Salut, c'est Marc Cousin pour la WebJG Radio, émission spéciale Traqué Courrier. Donc on va commencer avec un jingle que j'ai fait et un track de K-Star Productions. Voilà, à tout à l'heure. Alors, les agents Bonbon, Sucker et Louis Pigeot, alors je préviens d'une chose, amusez-vous comme ça et puis de toute manière on se prévient d'une chose. Amusez-vous comme ça, et puis de toute manière, on vous mettra la main dessus. Là, je vais te dire une chose, que celui qui s'amuse à faire ça, ça va se terminer très mal pour son matricule. Ça va se terminer au tribunal. Comme d'hab, on vous mettra la main dessus. Au tribunal, au tribunal. Et c'est grâce à Fildera Manu que ce document n'aura jamais vu, ne verra jamais le jour. Ouais. Goldorak là. Non, pas tout de suite. Je voulais te dire que donc on a reçu de la part de G-Prod qui est Guest Star Production. Non mais c'est bon. C'est bon si c'est. Non. Non mais dans ces cas-là c'est même pas la peine. Je vais pas te le lire en entier. Non mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine que tu me fasses voir ça. Tu me passes directement. À l'occasion. Attends, je vais juste te lire un petit peu. Et tu vas leur dire que c'est du torchon. À l'occasion de la sortie d'une cassette vidéo qui s'appelle Les Routiers et les Montagnards. Gérard de Fun Radio et celle. Du CD-ROM avec GG, je baise à l'aise, où on peut draguer en 10 leçons. Guest Star Production, pour la présente, aimerait vous demander s'il serait possible de libérer Gérard jeudi prochain pour qu'il puisse assurer sa tournée de promotion sur Paris et région parisienne. Nous vous rappelons que nous bénéficions d'une clause d'exclusivité signée par l'accord de Gérard de Fun Radio. Filiale de cette société du magazine Homomag souhaiterait également disposer de Gérard de Fun Radio le vendredi 7 novembre en vue d'une soirée organisée par son service de presse, le Star Night de Mulhouse. Alors voilà. Eh ben, dans ce cas-là, ce personne-là. Voilà. Donc, Fesse de Babouin. Bon, c'est pas Fesse de Babouin, Fesse de Babouin, il est là, Fesse de Babouin. Fais voir quand même. Ouais, fais-le, parce que c'est le document quand même. Mmh. Attends, monsieur Ferrari, ouais, d'accord. D'accord. Donc, je prévenais quand même à dire que monsieur Fesse de Babouin, ton histoire de. Ton histoire là, que, du bouquin que j'ai reçu chez moi encore. Celui-là ouais, tu l'as reçu aussi comme par hasard. Paris Macho. Ouais, voilà. Donc, Fesse de Babouin, c'est pas la peine de marceler dans les cabines téléphoniques parce que sinon, tu vas tomber sur des gamins et eux, ils vont t'insulter. Un conseil que je te donne. Évite de m'appeler sur mon tatou, parce que mon tatou. Je commence à en avoir ras-le-bol. Je commence à en avoir plein les couilles. Voilà, pour pas dire. En parlant poliment. Ouais. Et toi, tu commences à me les casser aussi. Parce que là, tes saloperies que tu viens de me balancer, je l'ai dans la mallette là-haut, en haut. Et bon, ben, il a à Fun Radio. Mmh. Donc, si on peut lire à peu près. Soirée de GG soi-disant, le samedi 1er novembre, soirée karaoké avec Françoise, le samedi 8 novembre, soirée de lecture de poèmes sur le parvis de la Défense, le samedi 15 novembre, il y aura le bal de musette avec Gérard et son accordéon, le samedi 22 novembre, soirée animation avec la danse bretonne, et le samedi 29 novembre, soirée gay dans les chiottes de la loco. Donc, alors, je te préviens d'une chose, Fesse de Babouin, tu peux me le redonner quand même. Attends, je vais finir parce qu'il y a quand même. Non, mais c'est derrière qu'il faudrait. Non. La dernière page. Là, ouais. Non. Non, à la fin, tout à la fin, tout ouais. À la fin. Là, il y a le magazine, là. Non, là. Mais derrière. Là, ouais. Voilà. Alors, je te préviens d'une chose, que si tu t'amuses à balancer mon adresse. Oh la vache. Parce qu'à la fin, il y a marqué sommaire du prochain numéro. Vous saurez où habite Gérard. Comment Gérard s'est-il rendu compte qu'il aimait les hommes. Qu'est-ce qui a fait le succès de Gérard. Des précisions sur le volume 2 de la fameuse compilation Poèmes de nuit. Interview de Humphrey bien sucé, le meilleur ami de Gérard. Et des détails sur le premier magazine. Mais par contre, je te signale qu'il y a un truc qui t'est quand même mis en partie dedans. Ah merde. Ah oui. Ah oui, il y a marqué à un moment donné, il y avait Max de Fun Radio, c'est ça? Oui. Petites annonces. Pour répondre à la petite annonce écrite du journal 1, recherche babysitter pour garder Gérard le jeudi soir de 1h à 3h du matin lors des débats, Max de Fun Radio. Donc alors, je te préviens une chose, Fesse de Babouin, si t'as vraiment le courage, comme tu m'as incendié dans la cabine surtout téléphonique... L'annonce est fausse, c'est pas de 1h à 3h, je cherche une babysitter, mais c'est de 1h à 4h. Hein. Oui, mais alors dans ce cas-là, comme t'as eu le courage de m'insulter, et que t'as insulté Nicolas, celui qui me prépare mes débats, et qui est là-haut, qui est en haut... Ah, tu fais même plus tes débats toi-même? Non, mais il me les prépare sur ordinateur. T'as un writer maintenant. Et il me les tape sur ordinateur, donc il est là. Donc, alors maintenant, je vais te dire une chose. C'est pas la peine de le harceler comme tu le harcèles, ni de marceler. Alors, comme arrêtez... tu le fais au télé, à la cabine. Arrêtez ni de harceler. Sur mon tatou. Arrêtez de harceler tout le parce monde. Parce que, apparemment. Ouais. Sur le magazine, tu donnes mon numéro de tatou. Alors, je vais te dire une chose. Que là, moi, des numéros, moi, je vais t'en balancer. Et c'est dommage que je puisse pas choper ton numéro. Parce que moi, je balancerai le tien à l'antenne. Et là, on va rigoler. Alors, si tu m'écoutes, peste de babouin. Mais c'est pas toi qui lui as donné l'interview, là. Non. Parce qu'il y a un interview qui dit, avant toute chose, bonjour Gérard, tu réponds bonjour à vous. Gérard, depuis combien de temps vous vous êtes pas lavé? Tu dis depuis 2 mois. On parle donc, en fait, tes propriétaires, on te demande depuis combien de temps cela prend. C'est, ça fait à peu près que tu as gagné à peu près 25 millions de francs par an. Et on ajoute en plus de 5 millions pour les droits d'auteur. Il existe également un service militaire 3615 GG et un 3668 avec ton nom. Combien est-ce que cela te rapporte? Tu fais le 2, représente environ 4 millions de francs par an. Ouais. Voilà, etc. Donc, Nicolas, si tu m'écoutes, ou MJ, si tu peux faire descendre Nicolas, s'il te plaît. Non. Personne dans le studio, je veux personne. Non, je veux pas. Il reste là-haut. Non, mais Nicolas, il a essayé le 3615, Gérard, et ça n'existe pas. Voilà. Donc, pour moi, c'est du baratin. Et donc, en plus, cette personne-là... Ça m'étonne ce que tu me dis, mais bon. Non, ça t'étonne peut-être, mais moi, ça m'étonne pas. Parce que tu vois, c'est du baratin. Parce que le mec, il habite, soi-disant que c'est le François de Belgique qui aurait donné mon adresse, et l'enveloppe est postée de plutôt. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Moi, c'est plutôt également. Ouais. Oui, eh ben, comme par hasard. Plus, comme il habite dans le coin. Ben, il va en mettre partout, ce que j'avais dit qu'il avait plus mais de 1000. Mais il paraît que c'est une auditrice qui aurait balancé mon adresse. Alors, je voudrais bien savoir quelle est la pétasse qu'aurait donné mon adresse à Fesse de Babouin. Alors maintenant, si la pétasse se reconnaît, ouais, faut faire qu'elle me le dise. Voilà, j'ai pas trop apprécié non plus. Hein. Alors, on demande entendeur salut à toutes les pétasses qui donnent mon adresse. Voilà, très bien. Merci encore. Voilà. Voilà, très bien. On va se retrouver dans un instant pour la suite de la Radio Libre de la Nuit. Vous l'avez entendu, sous les qu'un débat qui sera le premier sur la mode et le deuxième donc sur les animaux domestiques. Non, le premier sur la mode. Oui, et le deuxième sur les animaux domestiques. Non, le premier sur les animaux. Non. Sur la mode et le deuxième sur les animaux domestiques. Je t'expliquerai pourquoi. Et ça vous a plu, les cochons? Bon, alors on s'enchaîne avec un track lu par Sandy avec une colère monumentale de la bête derrière et le GG Tract avec le track GG 7 jours, Jenna Jameson. Bon, allez, à tout à l'heure, les branleurs. C'est ça la nouvelle génération paparazite, quoi, qui. Les nouveaux paparazites qui 24h sur 24 apparemment suivent tous vos faits et gestes et des jeunes. Striptease. Hein? Striptease. Striptease. Ouais, mais te fous pas à poil. Et. 4%. Eh hey, oh. Ton temps de parole est écoulé. Ah, je l'ai une petite. Non, vas-y. Non, il y avait aussi une photo et ça, je trouve ça dégueulasse. Et on voit Sandy à la NPO en train de chercher du boulot. Ouais. Tout le monde sait que c'est impossible. On sait que c'est truqué déjà. Ouais. C'est des photos truquées. Ouais. Voilà, non, mais remarqué, il y aurait, à la place d'NPE, vous aurez marqué, je sais pas, Café des Sports. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Fildar. Ferme ta gueule. Fildar. Arrête de gueuler, Gérard. Fildar. Ouais, mais 4%, Fildar, ferme ta gueule. Bon, Fildar, tu fermes ta gueule. Exact. Bon, apparemment, Gérard est en forme. Non, mais elle était peut-être à poil, à l'NPE. Non. Quoi? Non. Arrête un peu. Quoi? Non, en fait, Gérard, arrête. La retour. Oh, Fildar, tu vas fermer ta gueule ou quoi, là? Allez, tu sors, Fildar. Allez, Fildar, il est viré. Salut. Et puis là, tu vas fermer ta gueule. C'est bon, il est viré, c'est bon. Il y en a marre, Gérard, t'es déjà quatrième. Les sondages, c'est de pire en pire en ce qui te concerne. T'arrêtes de gueuler 2 secondes et d'être en train d'insulter les gens. Gérard a été viré. Fildar a été viré. Allô? Oui. Non, t'as entendu les sondages que t'es quand même devant Gérard et qu'il est en quatrième position, Gérard, hein? De quoi, moi, je suis en combien de positions? Toi, t'es en troisième. Bah, Gérard, il est tellement vulgaire que les gens l'aiment de moins en moins. Bah ça, c'est vrai que... Je les emmerde, les auditeurs. Et voilà, tu les emmerdes, bravo. Ah bah bravo, c'est bien. Mais quelle honte, ce Gérard. Mais comment veux-tu qu'on travaille ensemble, bah ouais. Gérard, on peut plus travailler ensemble, t'insultes les gens. J'emmerde les auditeurs. Ouais. Mais quel est le rapport entre les gens et les auditeurs? Ce sont ceux qui t'écoutent, c'est grâce à eux que tu bouffes, Gérard. T'es au courant, ça? T'es conscient de ça ou pas? La fédérale n'est pas besoin de se barrer comme un perdu. Non mais Gérard, je parle des auditeurs, t'es conscient de ce que tu viens de dire encore? Ou pas? Ou t'as pas suffisamment de cervelle pour comprendre ce que tu viens de dire, de la gravité des mots que tu viens de dire? Qu'après il va y avoir des procès vis-à-vis des auditeurs à cause de toi pour les propos que tu viens de tenir à l'antenne. Ouais, attends, les procès, on voudra bien les faire. Oui, ben... Il faut arriver. Ouais, attends, mais c'est regarde TF1 la nuit, là. C'est procès, là. Procès divorce. Tribunal. Hein? Tribunal. Tribunal. Tribunal d'entrée, direct. Gérard de Suresnes attaque un tuteur de femme. Tout de suite, en reportage. TF1. Bon, Sandy. Oui. Bon, le message est passé en tous les cas. Hein. Bah non, j'ai pas fini. Donc. Ah pardon, vas-y, je t'en prie. Donc je voulais citer un peu ce qu'ils ont mis un peu sur le document que j'ai sous les yeux. Je t'en prie. Donc ne faites pas les bouffons, ne mettez pas votre adresse dans les courriers que vous leur enverrez, utilisez des pseudos comme Fesse de Babouin ou Fijo. Oui. Alors ces deux-là, ils vont se faire foutre, parce que ça commence à bien faire toutes les conneries qui nous mettent dans notre boîte aux lettres, hein, déjà. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils mettent d'autre? Non mais attends, ça c'est pas le plus important. Alors vas-y, la chose la plus importante c'est... Important. Mais si, mais attends. Oh bah vous engueulez pas entre vous là, dis donc quel couple, hein, ces deux-là, je me demande comment ils font. Hein. Donc ne faites pas les bouffons, ouais bah ça j'ai dû le dire. Oui. Appelez-les d'un téléphone portable ou d'une cabine téléphonique, mais jamais d'un téléphone fixe. Ils ont tous le gadget de France Télécom pour voir qui c'est qui les appelle. D'accord, alors donc le message, on va répéter, Sandy, tu vas te mettre face caméra, face micro. Ouais. Ouais. Et tu parles bien, non c'est à Sandy que je parle. Hein. Ouais, moi par contre. Oui, non, je m'adresse à Sandy qui est quand même devant toi dans les sondages, donc elle est quand même pour moi plus, elle est quand même pour les auditeurs apparemment plus importante. Donc ah, parce que moi je fais un con. Non, j'ai pas dit ça. Je veux dire une chose, que le mec qui s'est amusé. Non, alors Gérard, pour moi, Gérard, pour l'instant, tu n'es qu'un auditeur qui ne parle pas devant son micro, on n'entend pas ce que tu dis, donc Sandy va terminer et tu parleras après. Alors, Sandy. Donc, les auditeurs, vous allez arrêter parce que c'est moi qui va vous refaire le portrait, comme j'ai dit sur le répondeur. Ouais. Et vous êtes une bande d'enfoirés et d'enculés. Parce que vous attaquez à ma famille. Oui, hein. Ouais, ça je suis d'accord. J'ai déjà des membres de ma famille qui sont à l'hôpital, qui sont sur un chevet d'hôpital. Ah oui, d'accord. Et donc là, ça commence à bien faire, donc, parce qu'ils vont beaucoup trop loin. Hein. D'accord, donc il faut que ça s'arrête, c'est clair. Donc, quoique Sandy est en train de tout mélanger, ça n'a aucun rapport. Mais bon, c'est pas à cause d'un auditeur ou deux qui appellent que... Ils ont embêté quelqu'un de ma famille et ah bon fait que la personne... Ah bon? C'est une dame assez âgée et puis donc... Ah bah ça, fallait que tu m'en parles en antenne parce que là, à ce moment-là, on va essayer de trouver des solutions très sérieusement, très rapidement. Si tu nous tiens pas au courant de tout ça, on peut pas non plus tout deviner. Donc on va... Bon, on va voir ça en antenne. On va gérer ça en antenne, Sandy. Ça n'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça n'intéresse pas les gens, mais on va rester entre nous. Sinon, ça va n'apporter que des problèmes en ce qui te concerne. D'accord, ok. Donc là, je suis assez d'accord. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Gérard? On n'a pas le temps. Non, il est parti dans la chambre. Là. Ah, d'accord, ok. Bon, bah écoute, Sandy, en tous les cas, je te remercie d'avoir appelé. Ça nous a fait du bien. Tu sais que ta cote de popularité monte. Ouais, non, je pense pas. Hein. Ah, mais pourtant, je te jure que si. Manu nous le confirme. Au standard, ça n'arrête pas. Ah, les gens veulent t'appeler. En tout cas, souhaiteraient que tu reviennes de plus en plus souvent dans les studios. Hein. Oh, je suis pas aussi populaire que Gérard ou... Tu sais, Gérard a beaucoup perdu à cause de la semaine dernière. Ça fait déjà 6 mois qu'il avait beaucoup perdu à cause de ce nombre de fois où il gueulait, etc. Attends, il veut te parler, donc je te le passe. Non, je le coupe. Non, tu le coupes pas. Je le coupe, Gérard. Non, file d'art, non, le coupe pas. Je le coupe. File d'art, tu le coupes pas, Gérard. Je le coupe. Allô, Gérard. Il a raccroché. Allô. Bien. Ah, bravo, file d'art. Bravo. Bon, on va le rappeler. Le courrier, Manu, peut-être pour commencer. Bah, il y a un espèce de track, hein, qui est arrivé pour nous annoncer une manifestation. Bah attends, bah donne à. Non, j'ai dit que si c'était du courrier comme l'année dernière, ça sert à rien de l'annoncer. C'est pas la peine. Ça va nous gonfler. Tu veux voir, c'est quoi? Tu veux le lire? Ah, tiens. Attends, c'est quoi? Non, c'est ça. Vas-y. Regarde, lis-le, vas-y. Lis-le, hein, Gérard, et de toute façon, il faut mettre ça, hein. Un ultimatum. Alors, vas-y, lis-le, ça dit. J'ai même pas lu, hein. Alors, vas-y, c'est quoi? Alors. Donc, c'est. Apparemment, ça date. Ouais, ben, ça m'aurait étonné encore, hein, que ça soit pas encore l'histoire du 15e, hein. Ça commence à nous. À me gonfler vraiment les burnes. Donc ça sert même pas. Vas-y. Non. Bah il faut bien que je sache. Attends, je sais même pas de quoi ça parle. Non, parce que tu enlèveras les mots. Vas-y, c'est quoi? Non, parce qu'il y a des noms de famille. Mais donne d'avant. Ça dit quoi? Vas-y. Donc, alors, c'est marqué pour vendredi 1er septembre, une manifestation aura lieu dans le 15e arrondissement de Paris. Donc, on recommence encore ces histoires-là, ça commence à m'énerver. Hein, ça s'était calmé, donc il faudra peut-être que ça se calme. Ouais. Donc, de nombreux propriétaires, donc je ne cite pas les marques de voitures, on saura pourquoi, défileront pour... Ah ouais, ben c'est bien. Ouais, d'accord. Contre les proliférations des grosses jouisseuses babysitter. Donc, ça m'intéresse. C'est même pas la peine de lire ça parce que c'est des conneries. Donc, ça, je vais le garder. Je vais faire voir ça à qui droit. Parce qu'il y a des noms de famille. Donc, dans ces cas-là, on va s'amuser. On va s'amuser. N'importe quoi. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent encore ? Non, mais on va s'amuser sans citer les noms de famille parce que là, ça commence à bien faire. En tête de file, on retrouvera donc William. Mais non, justement, je t'avais dit de pas le dire. Mais William, c'est le prénom. Mais même. Oui. Mais ouais, mais même. Voilà. Justement, je sais pourquoi que je ne voulais pas le dire. En tête de file, on retrouvera Bip, et toute dernière victime de ce nouveau type de vandalisme, désormais devenue pratique courante dans la capitale et dans les villes de banlieue. Gina. Quoi ? Gina Jamison, intermittent de... engagé pour la lutte contre les puces. Bon, j'ai un autre truc, j'ai un bulletin d'information de la RATP qui dit « Suite à de nombreux actes de vandalisme occasionnés sur les lignes de bus de Nanterre, la RATP rappelle que les lignes de bus 304, 258 et 357 partant du foyer Sonacantra seront en cours de rénovation tous les jeudis soirs à partir de 21h. C'est ça. Ouais. T'as déjà vu des 258 et des 357? Je sais pas. Et paf, tiens. T'as déjà vu des bus comme ça passer du côté de Nanterre, toi? C'est lequel qui passe Le 304 peut-être, mais pas les deux autres, d'accord? Le 304, il passe à côté de chez toi? Non, ouais, mais les deux autres, ils d'accord. Y passent pas. Bah, maintenant, vous le savez. Tout le monde le sait. Bah, évidemment. Alors, ça dit après, le directeur de la sécurité, William Jonas. Oh! Jonathan Pridkel. Aïe! Mais donne ça! Mais c'est pas moi, j'ai rien fait, moi! Donne ça! Qu'est-ce qui se passe? Fais chier, Manu! Quoi, Fais chier là-haut! Moi je lis! Non, tu as dit d'arrêter cette année! Non, c'est pas la peine de continuer, t'arrêtes le courrier. Ah non, mais moi, il n'y a pas de nom. T'arrêtes le courrier. Moi, il n'y a pas de nom de famille, hein, c'est correct. Non, là, il y a les noms de famille, je suis pas d'accord. Mais attends, c'est un nom là. Bidon, t'as déjà vu un mec qui s'appelait comme ça, toi? Ouais, oh, tu permets, je sais qui c'est. Alors, je vais te dire une chose, que ça, moi, je lui donne les preuves. C'est là, qui, vous allez voir comment que ça va faire. Parce que monsieur recommande la plus grande prudence aux usagers. Bah ouais. Non. Et surtout de faire très attention dans les alentours de la NPE de Nanterre, moi, je sais. Dans la NPE de Nanterre, quartier de défense. En effet, les deux pouces des Hauts-de-Seine sont de retour en vacances, Gérard Le Bataille, 70 grains double. Oh, c'est dégueulasse. Oh, franchement, là. Alors que moi, j'ai un truc super cool dans le courrier. Ah c'est là, les mecs, c'est James si Bond. Comme document, mais... C'est James Bond qui a envoyé donc un mail à dater du jour. Donc, programme TV GG 7 jours. En fait, c'est l'occasion des débats sur Fun Radio sur les routiers. Gérard s'est incrusté sur toutes les chaînes publiques de télévision le jeudi 31 août. Donc, en fait, il nous a envoyé en fait les programmes de ces différentes chaînes. Donc, au lieu de TF1, t'as GG1. Donc, à 6h20, t'as Pour être ivre. À 6h45, t'as GG1 Info. 6h55, t'as Salut les founes. À 8h30, t'as GG Shopping. Après, à 9h05, t'as GG Jeunesse. Enfin, t'as pas mal de trucs. Sur Crasse 2... À 6h25, t'as Clip le rustique de l'été. Après, 6h30, t'as GG Crottin. 8h30, Un Yves des Ivres. 8h35, Des Lourds et des Bis. À 9h05, Faire l'amour, boire et rôter. Enfin, t'as pas mal de trucs dans toute la journée. Sur Crasse 3, à 6h, tu commences avec Euro News. À 6h40, t'as les gamiteux. À 7h, t'as les mini-queues. Les mini-queues pleines de crasse. On était mini-cum. Eh, Fildar, tu ferais mieux de fermer ta gueule parce qu'un de ces quatre matins, si on sort des trucs de saloperie sur toi, tu vas pas rigoler comme ça, d'accord? Ah, mais je suis d'accord. Alors, arrête de rigoler sur mon compte comme ça, ok? Mais je rigole pas. Alors, tu fermes ta gueule maintenant. Claire, net et précis cette année. Ah, d'accord. Maintenant, tous les jeudis. Le prochain jeudi, tu n'iras pas le courrier. Il y aura plus de courrier. Juste un petit truc. Terminer les courriers, c'est même pas la peine d'écrire. À 11h40, t'as bon appétit sans nuit. Moi, je te dis d'arrêter. C'est clair? Quand je finis les chaînes. Anal non, t'arrêtes. T'as Anal Plus. Tu arrêtes! À 7h05, t'as l'aide Bibi. T'es l'aide Bibi. Non, mais y a pas de problème. Tu arrêtes ou tu le prends dans la gueule? Ah, il lance pas ton portable, attends, putain, il m'a su. C'est des années 40 en plus. Tu arrêtes de lire le courrier maintenant, d'accord? D'accord. C'est terminé. Peut-être qu'on peut retrouver, j'espère qu'on va pas retrouver ça sur internet. Ah non, il faut une adresse secrète, http://12.12.25. D'accord, très bien. Et pour terminer, on va faire http Fildar, oui. Ça va être pas de pareil là. Et pour finir, truc sérieux. Là, il y a pas de nom de famille, il y a rien, c'est Raoul Duke. Il nous a envoyé des statistiques en fait du dernier débat que t'as fait l'année dernière sur la jet set. Ça je l'ai écouté par contre. C'était bien d'ailleurs le débat sur la jet set où il a battu tous les records. Ouais. Le 28 juin, c'était le 28 juin 2000. Ouais. Donc il nous a envoyé toutes les statistiques correspondant à ce débat. Donc les mots prononcés. Donc il y a eu des bonsoirs, t'en as prononcé 8. Des au revoir 91. Des bonnes nuits 26. Des manus 73 quand même. 91 fois au revoir. Ouais. C'est que ça a viré ce jour-là. Fildar 47 fois. Rigaud 22 fois. Anka qui était déjà là 10. 7 fois, t'as prononcé le standard 20 fois, fréquence 33, à tout à l'heure 9, qui c'est qui 15, être manière 43, dégager, virer, saquer 54, hop 34, et je lui répondrai pas 9. Au niveau des insultes, ça se corse, des bordels, t'en as dit 5, t'as dit 28 fois merde, 10 fois je t'emmerde, 8 conneries, 10 cons, 27 putain, 14 couilles, 19 foutre, 8 enculés, 13 culs, 6 connards et 9 chiés. Voilà, en conclusion, il y a encore 2 tantouses, 4 PD, 5 porcs, une pute et 79 ta gueule quand même. D'accord. Et en conclusion, donc Gérard a été généralement très poli, en effet il a dit au revoir et bonne nuit 117 fois, par contre, pour accueillir les auditeurs, ce fut moins prolifique, il a seulement dit 8 fois bonjour. Manu a été le collaborateur bien sûr le plus cité, 73 fois, suivi de Fildar et de Rigaud et d'Anka. Gérard a viré 54 fois, ce qui s'accompagnait le plus souvent d'un hop. Et concernant ces expressions habituelles, en pointe, il y a Atmanière 43 fois, je lui répondrai pas 9. Gérard a aussi voulu que son débat se déroule dans les règles de l'art, il a exigé la fréquence 33 fois. Voilà. Alors, ça vous a plu, hein? Bon, alors, deux autres tracks. Premier track, Saut de Tour, écoute chez la Millennium Production avec des gamins de 12 ans qui cassent les couilles à notre putois national. Et l'autre, ce sera la soirée poème avec encore une bonne colère du putois par téléphone. Mémorable. Et une petite blague pour continuer. Vous avez déjà vu la fille de Gilbert Montagnier? Non? Bah lui non plus. Voilà à toutes. Bon Gérard, trêve de plaisanterie parce que là ça commence à repartir en couille. C'est pour ça tout à l'heure qu'on a des auditeurs qui nous ont dit que ce dont tu vas nous parler, il y a carrément des affiches dans le métro. Dans le métro, on n'en a pas vu. D'accord, il paraît qu'il y en a quand même qui traînent. Hein. Ah. Donc ça craint un maximum. Gérard va donc vous expliquer ce qui se passe. Et là, ça fait pas plaisir. Ben, celui qui s'amusait ça à partir de la boutique du PSG, de manière on peut citer. Donc sur les Champs-Élysées. Donc sur les Champs-Élysées jusqu'à la hauteur du rond-point, là. D'accord, donc près de la radio. Près de la radio. Donc le mec qui s'amusait à mettre... Donkin et Homo Mag présente donc, ça recommence, le combat du Millennium, samedi 26 février à 22h, place du 3 Cadéro. Donc, Gérard contre soi-disant un dénommé Fesse de Babouin. Donc celui-là, il va commencer par se calmer parce qu'il commence à m'énerver. En plus, avec ta photo dessus et bien sûr un singe en guise de Fesse de Babouin. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Parce que j'ai pas lu, moi. Alors, Gérard de Suresnes dit le petit furet sodomie. Alors, 69 victoires par puant excessive. 3 défaites par combat éthylique. Éthylique, c'est l'alcool. Ouais, ben d'accord. Arbitré par Perfouras de l'IRC. Donc apparemment, il parle de Rigaud pour faire ça. Mais non, ouais. Perfouras, c'est pas l'IRC, c'est pas Rigaud. C'est un Perfouras de l'IRC, ça veut dire qui? Ah oui. À ton avis? À Brouti, ouais. Tête de pioche. Et alors? Et encore, je suis poli. Fesse de Babouin, donc, dit le pote de GG, c'est pas du tout mon pote, c'est un connard. D'accord. Donc, 13 victoires par... Entartrage et dépôt de merde sur le palier au zéro défaite. Donc, bien sûr, avec le logo de Fun Radio. Bravo, bah alors, en plus, alors bravo. Alors, c'est marqué, retransmis en direct sur l'Internet. Alors, HTTP 2-FD de Babouin, 6GB net info. Bon, après, c'est un numéro de téléphone que je citerai pas à l'antenne parce qu'il est plus bon. D'accord. Et puis, sur les voitures encore devant la radio. Alors ça, c'est un tract, celui qui vient d'être lu, est un tract qui a été retrouvé par terre sur les Champs-Élysées, jusque quasiment à la hauteur de la radio. Et là, l'autre tract qui va être lu par Gérard a été retrouvé. Était sur les voitures, donc qui va être lu pour Sandy, par Sandy, parce non, que non, ça serait bien que tu le lises, parce que c'est quand même ton truc, et Sandy est là et témoigne. Hein. Donc, alors, c'est marqué Sandy dans la pseudo tour. Alors, pour le troisième millénaire, elle savoure à tous, depuis que Sandy connaît Gégé, elle a le cul comme le tunnel du Mont Blanc, même va-et-vient, même des gars, ouais, bah même après, diamètre, ainsi de suite. Après l'échec du One Man Show de Gérard de Suren, Sandy doit vendre son cul à qui voudra. Alors, routier, clodo, culte de jatte, Kujak Kosovar, donc je sais pas, Kosovar, bon enfin bref. Donc tous les premiers jeudis du mois, Bibi met à votre disposition sa turbine au chocolat grâce au sperme. Au sponsor la Brigitte, la Big Beat. Ouais, mais toi tu rigoles, mais ça te concerne, hein, ma petite. Hein. Vous pouvez y présenter seul à deux, ou en famille, ou en groupe. Car scolaire, voyage organisé, colonie de vacances, tout ça. Ah, donc d'accord. Pendant 5 heures non-stop, défoncer lui l'anus, à coups de bite, légumes, barreaux de chaise, god à trois glands. Oh, arrête de rire! Goulot de bouteille! Mais c'est nerveux! Ta gueule, toi! Toi, je vais te dire une chose ce soir, t'as pas intérêt de me laisser chauffer parce que ça commence. Tu me donnes ça là, qu'est-ce que c'est que ça encore? On a reçu des trucs! Justement! Ouais, non, mais ça commence à bien faire. Ouais, hein. Mais j'y peux rien! Alors on a ça commence à bien faire encore. Hein. Ouais, bah tiens, c'est bizarre. On a récupéré un aussi, c'est Noémie qui vient de me le donner. Ouais, c'est Noémie qui vient de nous donner. Il va nous donner ça, Noémie. Ouais. Bon, c'est quoi ce tract là? Donc le tract que tu viens de lire là, tu l'as lu en entier? Et donc ça, c'était sur les voitures. Sur les voitures, devant la radio, comme la semaine dernière, avec le numéro de téléphone. Là, il n'y a pas de numéro de téléphone, mais c'est à peu près pareil. Alors moi, peut-être qu'on va s'adresser directement aux salopards qui ont écrit ces choses-là, que ça va pas se passer comme ça, c'est moi qui vous le dis, voilà, c'est manière, tout. Toi, j'ai une copie, je vais garder une copie, et ça va directement dans le dossier. Là, par contre, je suis pas au courant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du courrier, on en parle dans un instant, mais en deux mots, c'est... Bah, c'est encore, j'ai un micro pour, je suis désolé, c'est on a reçu des trucs de cassettes vidéo te concernant, et on a reçu un nouveau magazine. Ouais, bah, alors tu vas prendre un autre micro, là, si t'as, ce serait peut-être plus intéressant. Ouais, voilà. On a reçu un nouveau magazine. D'accord. Ce matin, dans le courrier, oui, c'est Noémie qui l'a. Courant. Bah oui, bon. Enfin bref, elle m'a mis ça de côté, donc c'est en fait une espèce de feuille où en fait il y a des promotions sur des cassettes vidéo qui te concernent, GG. Ah bon. Donc tu veux que je le lise ou... Non, il va non, dire, bien sûr. Ça, ouais. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc encore là? Je sais pas ce que. Non, j'en ai ras le bol là. Alors, super promotion, tout à 50 francs. Donc les cassettes du Millennium production à très bas prix. Alors donc, nos cassettes audio, GG, ouais bah d'accord, GG l'enculé numéro 1, GG l'enculé numéro 2, GG l'enculé numéro 3, c'est 4. Le nom des films? Ouais, apparemment. Reste devant le micro, ouais. Après, t'as GG le PD mal parfumé, GG la sodomie, GG Franker... Fucker. Fucker, l'atologie, GG l'enculé... Ouais, bien sûr, il commence déjà. Tu peux parler devant le micro? Restez devant le micro. Donc, GG l'enculé de Nanterre, GG la femme à la cristalline, GG fait le gros crack avec Lididi, balade canine avec un tekel, nos cassettes vidéo, Gérard en partouze au Kosovo, Sandy la facochère faisant l'enculer. Se faisant enculer par une trompe d'éléphant, monsieur. Je donne pas mon nom. Un évêque très pervers. Gérard baise avec Eddie Barclay, bien sûr, pourquoi pas. Et donc avec un numéro de téléphone qu'on sait pas à qui il appartient. Ah attends. On va appeler. On va appeler. Tiens, vas-y, donne Rigo le redonne le. Tiens, on va la faire. Oui, tiens. Passe-moi ça. Bah, là. Direct. On va le niquer. Direct, on va le niquer, tiens. Tiens, tu te fais passer pour un client chez G. Après, tu leur passes le tract. Tu dis que tu voudrais des cassettes vidéo, d'accord? Tiens, on va baiser un mec en direct. C'est pour vous dire qu'attention, on est prêt à tout, nous. Hein. On en a ras-le-bol. Tiens, on redonne le track et on va lire donc. Attention, ça va sonner là. Millennium Production, Jordan à votre écoute, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, voilà, ça serait pour avoir des commandes de cassettes, s'il vous plaît. Ne quittez pas, je vous passe le PDG. Oui. Tiens, c'est ta voix, c'est ta voix. Ils utilisent ta voix en plus, ces salauds. Ouais. On va tous les niquer, ouais. Sébastien, bonsoir. Oui, bonsoir, ça serait pour une commande. Oui. Oui, vous voulez quoi? Vous avez reçu notre feuille? Ouais, ça vous amuse? Ben oui, c'est marrant, oui. Ouais, c'est marrant, Sébastien, hein? Sébastien, oui. Ouais, c'est comment marrant. Vous connaissez mon prénom, monsieur? Ouais. Bah comment que je connais votre prénom? Vous venez de l'annoncer à l'instant, espèce d'andouille. On t'a baisé la gueule, connard, t'es en direct sur Fun. Eh ouais. Et maintenant qu'on a ton numéro de téléphone. Les flics, non. Eh ouais, mais manque de peau maintenant qu'on a ton numéro de téléphone, mon pote, t'es marron. Eh ouais, on va te baiser la gueule. Et on va te percier toute la nuit. Ouais, on va te chier. Ouais, pourquoi? Parce que je vais te dire une chose, en imitant ma signature, tu vas aller loin, mon pote. Ah, il y a le téléphone qui sonne. Je vais pas imiter, t'étais... Non, ouais, bah tu vas voir, c'est moi qui ai venu signer. Tout à l'heure, je vais te mettre une grosse tarte dans sur le coin de ton museau. Je te signale. De toute façon, pour signer, tu fais une croix, toi. Mmh. Hey, je te signale que ça, j'en fais une photocopie et je remets ça au commissariat de police. Eh ben justement, je m'en fous, je connais Jacques Chirac, alors. Ouais, tu connais Jacques Chirac et moi, je connais Bernadette Chirac, espèce de connard. Ah, tu te l'as fait? Ouais, moi, je me l'ai fait, ouais. Et toi, tu t'es fait Chirac? C'est un bon coup, quoi. Ouais, mais tu vas voir. Bon, redonne-moi le track. Relis le track, fais voir les noms des films. Il y a des trucs sur le côté, Gérard, que t'as pas lu. Si vous répondez sous 5 jours, il y a une photo de l'accident de camion de Gérard. Oh, ouais, bien sûr. Il n'y a pas un accident de ta mère de berceau. Putain, espèce de connard, va. C'est chaud. C'est chaud, là, on dégage, c'est chaud. Oh, il n'y a pas un accident de ta mère en berceau. Hein? Une photo de dédicace. Y a pas un accident de ta mère en photo? Voilà, redonne les noms des films quand même qui est à disposition. Bah, il a qu'à les dire, comme c'est lui qui s'en est redonné. Ouais, mais c'est quand même un peu. Un peu osé, je sais, mais faut dénoncer. Faut dénoncer. Alors, je te signale que ça part au commissariat. Je l'ai coupé, je l'ai raccroché. De toute façon, j'ai son nom, je vais m'en occuper, ça passe à l'avocat direct. Alors, GG l'enculé numéro 1, GG l'enculé numéro 2, GG l'enculé numéro 3, 4. Après, t'as. En 3. En 4, t'as. Oh, il a les micros pourris, après, faut lui donner un bon micro. C'est sa voix, hein. Non, vas-y, écoute. T'as le PD de Mal Parfumé, GG la sodomie. T'as GG Funker, l'anthologie. GG l'enculé de Nanterre, bien sûr, comme je sais pas comment qui sait que j'habite à Nanterre, mais c'est pas grave. Sandy, la femme de. À la cristalline, GGP crac-crac avec les Lili, balade canine avec un tekel, c'est bien parce que 610 c'est un tekel, ben ça m'étonnerait. Ouais. Donc alors sur le côté, ouais, comme Manuel Fildari me disait, il y a plein de cadeaux. Alors pour plus de 100 francs d'achat, un savon de Nanterre. Pour plus de 500 francs d'achat, une brique du pont de l'Alma, certifiée authentique, bien sûr, pourquoi pas. Oh, bande de connards. Et si vous répondez sous 5 jours, vous recevrez une photo de l'accident du camion sur une plaque de verglas de Gérard, plus c'est bon, une ouais. photo dédicacée de Roselyne. Et attends, rappelle-moi-le, lui. Rappelle-le. Ouais, je rappelle. Ça, rappelle. Moi aussi, je vais uniquer Sarah, ça va être deux. Rappelle-le tout de suite. Pas de problème. Montre-moi ça. Montre-moi. Attends, parce qu'il y a le prénom de ma fille dedans. Et là, faut pas qu'il joue avec ça, là. C'est chaud, là. Attends, parce que, attends, t'as vu le truc en bas? Ne jetez pas, machin. Merci à Heineken 1664. Merci à Ricard. Millennium Production, Jordan, à votre écoute, bonsoir. Jordan, passe-moi ton abruti de Sébastien, là. Je vous passe le PDG à l'instant. Ouais, passe-moi ton PD, là. Sébastien, bonsoir. Ouais, connard, c'est encore moi. Dis donc. Ouais, c'est encore moi. Comment que ça se fait que tu prononces. À quoi tu t'amuses là à prononcer des gens de ma. Ta gueule. Et comment que ça se fait que tu t'amuses à prononcer les gens de ma famille là? Ah, moi, elle m'a signé des autographes, Tribunal, dis-lui. C'est ça, tu vas voir où tu vas te retrouver, au commissariat de police et au tribunal derrière. Allez. Je tenais quand même à remercier José Productions, hein. Ouais, ouais, bah bien sûr, tu vas remercier ta mère qui est en train de se faire enculer par un gros noir. Arrête, terminé. Terminé, non, ça t'arrête. Hors de question, des trucs comme ça. On arrête là. Ce soir, c'est chaud, ça va cartonner. Gérard, t'es en forme. On arrête là, le courrier. Hein. On garde ça pour la semaine d'après, parce que là, je sens que ça va partir trop grave en sucette, et c'est pas bon du tout. Donc, merci encore pour... tu me gardes ce document de côté, quand même, pour cette société. Je vais la démolir. Et on va se retrouver dans un instant pour le premier débat, et le seul, d'ailleurs, de cette soirée, qui va durer plus d'une heure et demie, avec l'internet, irc.funradio.fr, 0803-08-5000, avec Manu Fildar, et peut-être Noémie également. Gérard de Suren qui est remonté à... C'est toujours Marc Cousin sur la radio GG. Donc là, on va se mettre les deux derniers tracks de cette émission avec premier extrait, un track de Haut de la Pro et l'autre de Gueule d'amour et de Beau Gosse. Et deuxième extrait, le track sur le One Man Show de GG en odorama. Voilà, tout à l'heure pour la conclusion. Gérard de Suren, t'es là? Oh les enfants, Gérard! Où est-ce qu'il est parti? Ben non, vous voyez bien qu'il est pas là, donc j'essaie de lui parler. Est-ce que Gérard de Suren, on a reçu du courrier lui concernant Sandy. Ça raccrochait Sandy. Voilà, vous allez tous savoir sur Gérard et Sandy, sur leur mariage que Manu va nous lire dans un instant. Il va se concentrer d'ailleurs là-dessus. Gérard, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a eu un petit problème. Quel problème? Ben, on a eu un petit problème, ça a raccroché. Ben, c'est pas moi. Bon, Manu, oui. T'as souhaité à ce qu'on appelle Gérard ce soir, pourquoi? Bah parce que en fait j'ai trouvé une lettre dans le casier, il n'y avait pas de timbre, pas d'adresse, rien, il y avait marqué pour Manu et pour Max, et en fait ça parle du mariage de Gérard, quoi, et j'ai trouvé ça scandaleux. Alors on y va, on lit, on écoute. T'écoutes? Mmh. D'accord, t'as l'air endormi, Gérard? Non, mais attends, moi je vais gueuler derrière. D'accord, ok, très bien, on y va. Mais écoute bien d'abord, mais c'est pas bien méchant apparemment. J'ai pas lu, mais d'accord, vas-y. Non, ça va. Donc, avis à la population. Très récemment, nous avons eu des nouvelles du mariage retardé, mais ô combien attendu, de Gérard et de la grosse Sandy. Ces informations nous ont été données par un certain Haut de la Pro, qui désirait bien évidemment garder l'anonymat. Olivier de la production, d'accord? Ah non, c'est pas dit, c'est dit Haut de la Pro. Ouais, y a pas de... Haut de la Pro, c'est Olivier de la production. Chut, on ne sait pas. C'est peut-être lui qui a donné des informations, encore des conneries, alors vas-y. Le fabuleux mariage aura donc lieu le 25 décembre à Suren. Simultanément, les invités pourront aussi assister à la naissance du fils prodige de ces deux individus. La naissance aura lieu dans le salon de Gérard, autant dire dans une étable. Jésus, le fils de Gérard et Sandy, naîtra donc entre un âne et un bœuf, puisqu'il sera encadré de ses deux parents. Les invitations pour cette fabuleuse fête, seront à retirer dans tous les pubs gays et toutes les maisons closes de France, ainsi que dans le studio d'Eau de la Pro, à partir du 1er novembre 1998. Donc, C'est maintenant. C'est pas fini. Ces informations ont été recueillies par Louis Figeot et Fesse de Babouin en collaboration et relation directe avec Haut de la Pro. Donc ils ont signé. Qui c'est ce mec là, Haut de la Pro? Je sais pas. Et il y a un PS, inutile d'essayer de noyer cette hybridation de la nature, entre parenthèses, le fils de Gérard, il marche sur l'eau. Oh non, d'accord, ok, ça me rassure. Alors Gérard, voilà. Alors là, moi juste, j'espère que c'est quand même pas Olivier de la production qui s'amuse à distribuer ce courrier là. Si. Olivier? On appelle Olivier en direct, Gérard, et tu t'arranges avec lui, vas-y. On l'appelle chez lui, hein. Ah, mais il est pas là, ce feignant. Il doit être chez lui, attends. Alors. Il doit dormir. Bah, il doit dormir, ouais, probablement, hein. Je sais pas où il est. Dis donc, Gérard, si c'est Olivier de la Pro, là, ça craint, par franchement, contre. Franchement, là, faut faire quelque chose, hein. C'est pas le bon numéro. Ah, c'est pas le bon numéro? Non. Ah, d'accord, ok. Non, mais toi, Gérard, t'en as peut-être rien à foutre, mais moi, j'ai envie de... Attends, parce que moi, j'ai reçu ton courrier dimanche. Oui, allô. Ah, allô? Oui. Allô? Allô? Olivier? Oui. Bon, c'est quoi ce bordel là? Je suis pas au courant. Ah, t'es pas au courant toi? Je suis pas au courant. Non, t'es jamais au courant de rien. Quel bordel d'abord? C'est quoi, comme quoi qu'il faut que les gens ils viennent te voir là pour l'histoire du mariage? Je suis pas au courant. T'es pas au courant? Je peux pas t'en parler maintenant. Ah, tu peux pas m'en parler? Non. Donc tu fais des coups en douce? Je peux pas t'en parler. Ah ben, si tu fais que tes coups en douce, autant que tu restes chez toi. Je peux pas t'en parler là. Ouais, d'accord. Donc tu fais tes coups en douce. Mais tu m'as dit que t'étais d'accord, donc on en reparlera. Quoi? Non, mais c'est Sandy, enfin, c'est Sandy, elle t'explique. Non, Sandy, elle est pas au con. On avait parlé tous les deux ensemble. Non, tu arrêtes tes conneries. Tu m'avais dit d'accord. Non, elle est pas d'accord. Pour les frites aussi, pour le mariage. Elle est pas d'accord, alors t'arrêtes tes conneries. Tu veux? Je suis confus. Ouais, ben, je suis gonflé. Oui, Vainis, c'est gonflé. Je suis pas gonflé, là, je suis confus. T'es toujours aussi sourd, toi, Gérard. Hein. Ouais, non, mais. Apparemment, ça fait rire Sandy, hein. Ouais. Ça fait rire Sandy, mais. Ce que je vais annoncer, ça va pas la faire rire. Bon, par contre, en tout cas, Olivier, est-ce que haut de la pro, ça serait toi? Je peux pas en parler, là. Ah, d'accord. Donc, c'est possible que ça soit lui, effectivement, Gérard. Donc, Olivier, faudra qu'on se parle quand tu viendras demain à la radio. D'accord. Merci, Olivier. Au revoir. Ouais, voilà, donc apparemment, Olivier était très gêné. C'est peut-être Olivier de la pro. Ouais. C'est Olivier de la pro. Alors, Gérard, t'as reçu du courrier chez toi, c'est quoi? Alors, je t'en prends ton achat, car j'ai. Je dois faire un casse chez le Bulldog à Agnières. à la fourrière, signé Pat de Velours et. Pat de Vautour et Cindy Hunter. Alors, dernier avertissement, arrête de parler de nous à la radio. À cause de toi, on a eu des ennuis dans la cité. Tu nous le paieras. Alors, beau gosse et gueule d'amour, de toute manière, n'ayez crainte maintenant. On sait qui vous êtes. Sandy vous a repéré. Ouais. Les flics sont venus, mais trop tard. Donc, après, on a un spécial gay Gérard avec. Un spécial gay star avec Gérard et. Ah ouais, merde, lis-nous ça, vas-y, c'est quoi, ça dit quoi, toi? Vas-y, lis. Et X. Vas-y. Show homo SM. Élargisseur. Bon alors, je pense qu'il a. Ce qu'il a dû mettre, c'est d'oreiller, mais il sait pas écrire. Ça te fait rire, Feldar? Ouais, mais si ça fait rire Feldar, moi ça me fait pas rire. Bah non, Feldar. arrête. Ouais, parce que ça fait pas rire, parce que maintenant, moi je veux dire une chose, un beau gosse et gueule d'amour. Arrêtez d'harceler mon beau-père et ma belle-sœur. Ah oui, là d'accord, là vous arrêtez. C'est quoi qu'il y a dans le courrier déjà? Qu'est-ce que ça dit déjà dans le courrier? Alors, t'as une soirée sodomie. Après, t'as exclusive combat de chiens dans les caves de Monsieur Cousin. Ce soir, un grand match, Sandy le Bulldog, champion du titre contre US, sa sœur, le Pitbull Challenger. Non, mais rigolez. Arrêtez de vous marrer, vous êtes... Rigolez, parce que les flics sont venus et faites-moi confiance que on va avoir des petits problèmes. Alors, publicité, nouveau parfum à 10 crasses. Ouais, vas-y, rigole pas, connard. Fildar, arrête, Fildar. Rigole pas, espèce de bâtard. Non, mais c'est bon, genre, t'énerve pas. Donc, c'est quoi la pub? Alors, c'est publicité, nouveau parfum à 10 crasses, nouvelle senteur à la fleur d'anus et à la sueur de Bulldog. Beau gosse et gueule d'amour. Alors eux, ils vont trinquer, eux. Hein. Non, mais attends, c'est pas fini. Ah, bon, merde. Il y a encore une feuille. Ouais, merde, encore. Le cirque, chope-moi la bite, la fameuse... le fameux cirque fait une descente dans la cité Carnot. Un programme Sandy, la plus grosse des bulldogs du monde. Oh là là là, bon, alors tu m'envoies... Enculé par une trompe d'éléphant et plein d'autres... Bon, ça suffit, Gérard. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer tous ces documents que t'as reçus chez toi. Tu m'envoies tout ça et moi aussi, maintenant, je vais m'en occuper très sérieusement. Non, mais attends, Feldar. Non, mais Feldar, il est pour rien, il est pas là, Feldar. Non, mais attends, Feldar, il arrête de se marrer comme un PD. Alors ça, il a bien fait de le dire parce que, tu vois, quand je te dis avec ta monte et tout ça, ton côté... Ah, ça monte de pédé, qu'il arrête. Non mais attention, Gérard, t'es en train de mettre à dos tous les homosexuels qui nous écoutent, qui n'y sont pour rien. Je veux dire, tout le monde n'a pas envie d'assumer Fildar dans l'équipe. Ouais, mais attends, dans ces cas-là, qu'on arrête d'harceler mon beau-père et ma belle-sœur. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le rire de Fildar. Non, attends, non, mais attends, parce que moi, je vais te dire une chose. Je veux bien. D'après ma belle-sœur, ce beau gosse, c'est gueule d'amour qui arrête pas de l'harceler. Bon, alors. Soi-disant que c'est des avocats de Françoise encore. Bon, je vais m'occuper de tout ça avec toi, et puis comme tu sais qui c'est, on va s'occuper de leur matricule. Non, parce que je suis d'accord, mais il n'y a pas de problème. Ils ont les abus. Bien sûr. Depuis qu'ils n'ont pas été capables. De les attraper, ils sont venus directement ici. Ah ben, s'ils sont pas capables, les flics, là c'est un peu dommage, parce que bon, nous on a le numéro du portable de quelques commissaires on va les appeler, puis voilà, on va essayer on va tâcher à ce que cette solution puisse se résoudre le plus rapidement possible. N'ayez crainte, hein, Gérard, on va tâcher de faire au mieux. Hein. Ah ben, de ce côté-là, tu peux... Moi je vais te dire une chose, parce que c'est plus la semaine maintenant que ça se fait, c'est le week-end. Ah oui, non mais là, le week-end en plus il y avait la Formule 1 là, Oui, j'ai regardé le Grand Prix du Japon. T'es content juste après. T'es content T'es content pour la Formule 1 ou pas? Ouais. Ah, t'étais pour, je croyais que t'étais pour Schumacher. Non, j'étais pour Häkkinen. Ah, t'étais pour Häkkinen, bon donc t'es content alors. Il a abandonné, je crois, Schumacher. Ouais. Ah, et il avait crevé, c'est ça? Oui, il a crevé, mais de toute manière, c'est un peu bien fait pour lui, parce que il avait qu'à pas, au deuxième départ, lever la main pour dire qu'il avait un problème. Donc, il est parti en vain à la dernière ligne du départ. Exactement. Bien joué, Gérard. Rien ne t'échappe, toi, en Formule 1. Non, ben moi, j'ai suivi, je me suis couché, il était 8 heures du matin. Non, carrément. Ah, ça, c'est fabuleux, ça. Applaudissements. Moi, j'applaudis pas, moi. Sandy, de toute manière, on sait qui c'est parce qu'on Sandy les a vus. Ouais. Nous aussi, c'est en direct. Il y a personne qui met des papiers depuis dans la boîte. D'accord, ok. Mais apparemment, Sandy, ça la faisait rire, hein. Non, ça la fait pas rire parce qu'on attaque quand même la famille. Ah bah évidemment, bien sûr. Non mais là, de toute façon, suis à 250. Si on attaque mon beau-père et ma belle-sœur. Bah oui, c'est là, sûr. Je suis pas tellement d'accord. Mais bon, Sandy, elle est pas d'accord non plus. À toi de t'arranger pour que les auditeurs ne passent pas leur vie chez toi et que tu donnes pas ton numéro de téléphone à n'importe qui, quoi. Gérard, je suis malheureux. Je suis obligé de prendre un petit peu pour être sûr que les gens ne pensent pas que ça soit nous qui donnions le numéro. Mais c'est vrai, Sandy l'a dit elle-même. Quand tu as eu ton nouveau numéro de téléphone, tu t'es empressé de le donner à 2-3 personnes. Ton portable, tout le monde l'a. Tout le monde. Attends, Gérard, à chaque fois que je t'appelle chez toi, il y a toujours des auditeurs derrière toi. Donc tu fais rentrer tout et n'importe quoi chez toi. Non, attends, le portable, pour l'instant, personne l'a. Parce le portable, tous d'accord. Les numéros sont faux. D'accord, mais le numéro, l'adresse et tout, il y a des gens, tu sais très bien. L'adresse, c'est qui l'a donné? C'est pas moi. Personne. C'est toi qui la donne. Alors maintenant, moi, je vais demander à Rigo, comme ça, un balèze d'Internet. Ouais. Et Rigo? Ouais, je suis là. Eh ben, t'essayes de voir le site Internet, Gérard. Et si tu vois un numéro de téléphone qui se balade, tu le connais? Eh ben, dans ces cas-là, tu le supprimes. Ok. Tu le supprimes. Et même la photo à Sandy, tu la supprimes. S'il te plaît, Rigo, tu peux faire ça? Ouais, je peux faire ça. Ah bah, il va Gérard. Ouais. Gérard, tu m'entends? Ouais, sur IRC, il y a Yarma qui me demande le mail du gynéco de Sandy. De quoi? Le mail du gynéco de Sandy. Non, mais attends, tu vois, là, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire quoi, là? L'adresse Internet, son adresse Internet. Ouais, mais il l'aura pas. Voilà. Ah, ok, d'accord. Bien joué, Gérard. Il a pas à se laisser marcher sur les pieds. Gérard, t'as bien raison de ne pas te laisser faire, mais je suis à 200. Non, mais attends. Non, mais ils vont où, les gars? Sandy, on sait pas qui c'est. Barnum. Quoi? Barnum. HTTP Barnum, non? .com. Oh là là, Fildar. Gérard. Ouais. T'es d'accord avec Fildar ou pas? De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? http.barnum. Ouais, ta gueule, toi. Voilà, exactement. Toi, ta gueule. Voilà. Toi, de toute manière, jeudi, je te réserve une surprise. Il va t'envoyer de l'art de l'Antarctique en pleine gueule. Non. en fait, c'est Cochon d'Inde et Cabouin qui me l'ont envoyé. En fait, à partir du 31 mars, tu vas faire un nouveau one-man show en odorama qui va s'appeler Ni queue ni tête. Donc c'est au Fucking Blue Boy, c'est mis en scène par Vincent Lagaffe, une production Big Bill. Inclus ses meilleurs sketchs, ma femme s'appelle Sauvé Willy, il a piqué des sous dans mon porte-monnaie, on me prend pour un con, non, en miles, et la loco, on ne m'y reprendra plus. Les habituelles phrases choc, je sais pas, j'ai pas regardé ce matin, la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave, t'es plus qu'un beauf, t'es mon père. Une cascade incroyable, Gérard tracte en 110 sur 10 mètres sur les poils de son cul, dans la limite des poils de cul disponibles. En première partie, Jean-Pierre Sauzère interprétant « Viens dans le cul de GG, il y a de la place pour 5 ». Donc, le prix. Oh, arrêtez de vous marrer. Ouais, c'est vrai. Le prix des places, c'est 30 francs, soit 5 euros. GG accepte aussi les tickets resto, chèque culture ou en nature. Offre spéciale pour seulement 3 places achetées, une sodo gratos. Gratuit pour les personnes ayant moins de 3 dents devant. Fonds réservé à Laras Breu. Donc en fait c'est l'amicale des routiers alcoolos suceurs de bites dans les relais routiers de France. Donc si ils veulent réserver, c'est par courrier donc au Big Bill, par téléphone donc il y a un numéro et par internet il y a donc www.jeanculetachat.god. Et donc on remercie le Secours Populaire Français pour l'habillage, les, Adidas pour la transpiration, Momac pour l'abonnement gratuit, la Dream Tease du Big Bill. Roger pour tout le plaisir qu'il m'a donné, Super God 4000 pour ma femme, le commissariat de Suresnes, le Star System pour avoir donné sa chance à, voilà, à Gérard. Ouais. Point final à la ligne. Et s'il y a prolongement, c'est en fait dans le prolongement du spectacle d'Anne Roumanoff. Bah disons, ça promeut en plus Anne Roumanoff. Donc voilà. Bon Gérard, qu'est-ce que... Donc là, le prochain coup, il fermera sa gueule, puis Gary, il n'aura pas à lire ça sur l'antenne. Bah, il a voulu le faire parce que, je vais te dire, c'est grâce à Fildar qu'il a récupéré ce document, parce que normalement, ouais. ça devait circuler. Grâce à Fildar, ce document ne sera jamais affiché, donc tu peux le remercier. Et ouais, Fildar... Non, mais écoute-moi, maintenant... écoute-moi, Gérard, c'est que pour une ouais. fois, Fildar et Manu... Non, ça coupe... Bon, tu m'entends là? Tu m'entends? C'est ouais. Fildar et Manu qui ont maintenant un avocat en commun, qui ont décidé de déposer ça à leur avocat personnel, et c'est grâce à Fildar et à Manu que ce document n'aura jamais vu, ne verra jamais ouais. jour. Ouais. Non, ben, j'espère. Tu peux nous remercier, hein. Mmh. Bon, j'avais rien. Quand même, on va la garder. Ça. Bah oui, on va l'encadrer. On va la garder là pour jeudi. Oui. Voilà, il y a encore quelque chose J'ai deux poèmes à Pauline. Alors voilà, conclusion... de ce super, cette super émission sur les courriers et les tracks qu'a reçu GG. J'espère que ça vous a plu. Grosse dédicace pouce à tout le site Mister Cousin, à tout le forum, à Radio GG et aux admins qui mettent gentiment ces sons en ligne. Ouais, c'était la partie suçage. Puis sinon, un petit pouce à vous tous quand même. Bon allez, gros bisous à tous. Et non, je ne suis pas un travolo, contrairement aux apparences. Et on va se quitter en écoutant Jean-Pierre Sauzé. C'est la fête de la musique. Allez, bonne nuit. Plus belle Alors moi, Samy, j'adore la web radio, tous les débats, tout ça, les émissions. Oh oui, j'ai envie de radio, j'ai envie de...